qu'est-ce qui se passe? Ouvrez grand les oreilles. Oui. Petit lui, vas-y. C'est fait. Non, non, je te confirme. Ils sont pas mal tout le temps ouverts. Ils sont tout le temps ouverts. Ferme les stars sur tes oreilles. C'est les meilleurs moments d'assemblage requis de la semaine. Donc voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 14 janvier 2013. Quand tu commences l'année avec une semaine de 3 jours, là, la deuxième à 5 jours va avoir l'air longue. Ah ouais. Tabarnouche. Interminable. Désolé pour vous de vous l'apprendre. 500 émissions, là. Ça fait en grève. Ça en fait des erreurs techniques, ça. Tu sais, quand la pub dit comment utilisez-vous votre bounce, je pensais pas vraiment que tu portais ça comme pour sentir bon, toi. Non, c'est pour moi, il était sur la table du studio. Une feuille de bounce dans le studio. Ouais. Quand il est arrivé, il était là. Étrange. Chanteuse Inou, et d'ailleurs, les Inou se sont joints au mouvement de contestation I Don't Know More il y a pas si longtemps. Le chef de l'opposition officielle, Thomas Smoker, a demandé à Theresa Spence d'arrêter sa grève de la faim parce qu'il considérait qu'il y avait eu des bonnes avancées. Mais elle jusqu'au bout. Décidé de continuer encore jusqu'au bout. Ouais. Est-ce qu'elle va arrêter? Suspense. Hein? Oh. Non? C'est un bon jeu de mots. Merci. Oui, oui. À propos. Contrairement à celui que je voulais faire tantôt en disant que ta chronique était inoubliable. C'est celle-là que je n'ai pas faite. Parce que sinon, ça aurait été bien trop facile. Alexandra Carignan qui est là aussi. Ben oui, bonjour. Alex Carr. Bonjour. Alex Carr. C'est moi, ça. Je trouve des surnoms à tout le monde, puis ça dérange les gens, je pense. Hein? Mais ça fait juste comme on dirait que je pimpe un char dans l'émission. Ça, on le sait. C'est une tradition qui reste. Cette année, ils n'ont pas de spectacle. C'était meilleur quand c'était du café cognac. Je pense qu'on est rendu avec deux conversations séparées. Ouais, on va finir la... Ils vont y aller, gars. Simon et François qui s'en partent. Donc, Alexandra? Non, mais je disais que cette année, il n'y avait pas de spectacle au carnaval. Ça paraît peut-être pas en onde. Après, je suis beau. Oui, ben, t'es toujours beau, mais pour vrai. C'est ce que tu t'en as dit. T'as des beaux vêtements à tous les jours, tu m'inspires. Non, mais je devrais m'inspirer plus de toi, c'est dans la vie. Pour vrai, t'es un modèle. De la mode masculine. La mode masculine, ouais. Non, je me sens à matin. Rolling Stones encore une fois. Ouais, ouais. Qui d'autre? Ben Laden. Ben Jerry. Ben Laden. Alors, quel Ben, lui, déjà? C'est pour ZZ Top, je pense. Ça a bien pogné, par exemple. Sa grosse barbe. Elle m'a couru après. C'était de la bombe. La trouve pas prise. C'est Anne-Julie Durocher qui va nous suggérer des choses à voir et entendre, ou en tout cas des choses. Anne-Juice. Elle peut aimer Anne-Juice. Anne-Juicy. Anne-Juicy. Écoute, c'est du calibre à Mathieu Plante, là, mon jeu de mots ce matin. Oui, mais tu sais, moi, je l'aurais peut-être pas dit. Oh, arrête donc. T'as pas su le beat? Toing, toing, avec son index sur le pôle de François. Toing, toing, toing. Mais c'est juste pour le déranger le plus possible. Pendant le plus longtemps possible, parce que sa chanson est conçue. Tu peux continuer, le gars, le beat, continue. C'est ça? Oh, aïe, aïe. C'est beau à voir. Ok, t'arrêtes tout de suite. T'as pas assez de graisse sur le bras, c'est pour ça que ça te fait mal. C'est comme un petit doigt. Hey, t'as raison, c'est des muscles que j'ai. Non, t'as pas plus de muscles. Il t'offrait pas long en prison, ce gars-là. Non. Hey. Ne joue pas dans son nez, c'est pas poli. Je l'ai pas fait, c'est lui qui voulait que je le fasse. Ah, c'est ça, ben, elle était proche. Alors, vas-y, trempez. Trempez. Viens dans ma trempette. Vas-y. L'espèce de deuxième point G, en fait, ben, je veux comme l'espèce? C'est ouais, le point mais... G, ça, c'est non, celui de Julie Snyder. Hein? C'est pas le point G de Julie Snyder. Non, ça, on veut pas savoir. Non, on veut pas. Ah, Pierre-Carl Pellado, ce qui se passe dans son lit, je veux pas savoir. Mais non, mais tu sais, en fait, c'est comme un deuxième point G parce que ça se situe juste plus loin, mais je vais comme vous en parler plus en profondeur dans ma chronique. David Ferron et Annabelle Maton et... Mais là, j'ai l'impression que François essaye de matcher David puis Annabelle. Non, il se passe des affaires. J'essaye pas de les matcher. Ils se sont matchés tout non. Seul. Ah, t'as vu les flamèches. Dans les yeux. Les étoiles. Regarde les yeux à David. La complicité est évidente, je pense, dans ce cas-ci. C'est hallucinant. Ben, je m'excuse, David. Annabelle, c'est ma petite trousse cochonne. Hey, Colin. C'est avec... Ah, mon Dieu, ma petite possession. C'est mon objet. Est-ce qu'on a une petite musique spéciale pour quand on utilise nos 5 micros en même temps? C'est écœurant. Hein? Ouais, je pense que la musique, c'est le buzz en arrière du marteau piqueur. Ouais, je pense que c'est ça la musique. Oui, ça... Il est beau. Un peu comme toi, ce matin. Merci, particulièrement, là, t'es joli. Je sens bon. Non, ça non. Non. T'es joli. D'accord. Faut que je me regarde. Oh, ouais. touche un certain sens. Certain sens. Pareillement, je pense. À 8 heures. Hey, pareillement. C'est cheap comme compliment. Hey, qu'est-ce que je fasse, là? C'est cheap. Toi aussi, t'es beau. Oh, pareillement. T'es tout monochrome. Oh, je t'aime. Oh, moi aussi. François-Olivier, c'est ta dernière journée. Ben va! Assemblage requis pour un bout, hein? Tu vas revenir à la fin du mois de juillet. Cinq semaines. On va voir Jean-Philippe Charbonneau à l'animation. Exactement. Voilà. Jean-Philippe qui anime déjà Melon Miel et Chaud Bruxelles. Est-ce que c'est Melon Miel, est-ce que c'est Chaud Bruxelles? Ça dépend des gens. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 14 janvier. Il y avait des guillemets dans les airs ici. 2013, avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. Retrouvez-nous tous les jours de la semaine. Et puis, François, comme on le disait, ne sera pas là pour les cinq prochaines semaines. Donc, ça va être Jean-Philippe Charbonneau. Ça va être complètement différent comme émission. J'ai hâte de voir ça. Maxime. Un petit peu de misère avec son micro qui a... Il a resté dans ses mains. Ben, je l'ai dit, ça va tuer quelqu'un à un moment donné, ça. Ces micros-là qui tombent. Il pleut des micros. Oui. qu'est-ce que... Non, sinon, je trouve que j'aurais aimé avoir la face de Maxime Tanguay comme en photo pendant un instant classique, parce que c'est pas mal la face que pas mal tout le monde doit faire pendant l'assemblage requis. Qui est pas sûr? Pas sûr. Là, il fonctionne ton micro, c'est bon? Ben, j'espère. Je pense que oui. Bon, ben, si jamais vous entendez... Ah! Ben, appelez la police. Ou l'ambulance, en fait. Ouais, ben... La police fera pas grand-chose par rapport à ça. Qui a dévissé la vis? Ouais. Là, on fait comme dans CSI avec les plans de caméra. Oui, puis un mauvais jeu de mots, puis t'enlèves tes lunettes. Puis là, waouh! Genre la tune qui parle de Who. De Who? De Who, oui. Mais y a pas de blagues qui me viennent. Vous avez entendu l'instant classique, vous savez que les blagues ne sont pas très bonnes quand elles me viennent. Donc, Hein? Hein? Oui. Hein? De Who. Malaise. Malaise. C'est un bon groupe de Who. Oui. Moi, je les aime beaucoup. Tout à fait. Oui, j'adore ça. Ouais.